Micro ouvert. Traduction d'un article initialement publié en anglais sur le site du Guardian le 29 janvier 2019. Série de graphiques approuvée par le groupe de Davos présente l'histoire de l'imposition d'une prolétarisation mondiale comme un triomphe néolibéral. Au moment où les dirigeants mondiaux et les élites marchandes arrivaient à Davos pour le Forum économique mondial, Bill Gates a tweeté une série de graphiques à ses 46 millions d'abonnés, suggérant que le monde allait de mieux en mieux. « C'est ma série de graphiques préférées », a-t-il écrit. Beaucoup sous-estiment à quel point la vie s'est améliorée au cours des deux derniers siècles. Six graphiques développés par Max Roser de Our World in Data, le premier est celui qui a le plus attiré l'attention. Il montre que la proportion de personnes vivant dans la pauvreté a diminué, passant de 94% en 1820 à seulement 10% aujourd'hui. L'affirmation est simple et convaincante. Bill Gates n'est d'ailleurs pas le seul à l'avoir propagée. Ces chiffres ont été colportés par beaucoup au cours de l'année, de Steven Pinker à Nick Christophe, en passant par une grande majorité du groupe de Davos, dans une tentative de prouver que l'extension mondiale du capitalisme de libre marché aurait bénéficié à tout le monde. Pinker et Gates sont même allés plus loin, affirmant que nous ne devrions pas nous plaindre de la montée des inégalités, puisque ces mêmes forces qui confèrent tant de richesses aux riches sont aussi en train de d'éradiquer la pauvreté, ainsi que nous devrions le constater. Un récit puissant et complètement faux. En effet, ces graphiques sont problématiques par de nombreuses raisons. Tout d'abord, ce n'est qu'à partir de 1980 que nous avons commencé à disposer de données fiables concernant la pauvreté. Au-delà de cette année, ce que nous savons est anecdotique. Et remonter à 1820 n'a strictement aucun sens. Roser s'appuie sur une base de données qui n'avait pas pour but de faire un état des lieux de la pauvreté, mais de l'inégalité dans la distribution du produit international brut mondial. Et ce, pour un nombre limité de pays. Il n'existe pas de véritable recherche permettant d'appuyer ces affirmations sur la pauvreté à long terme. Rien de scientifique ici donc, seulement de la propagande. Ce que les chiffres de Roser révèlent en réalité, c'est que le monde est passé d'une situation où la majeure partie de l'humanité n'avait pas besoin d'argent du tout, à une situation où la majeure partie de l'humanité peine à survivre avec extrêmement peu d'argent. Leur graphique présente cela comme une diminution de la pauvreté. En réalité, cela représente un processus de dépossession qui assertit les populations du monde dans le système du travail capitaliste durant les mouvements des enclosures en Europe et la colonisation des pays du Sud. Avant la colonisation, la plupart des gens vivaient dans des économies de subsistance où ils avaient accès à d'abondants biens communs. Terre, eau, forêt, bétail et de robustes systèmes de partage et de réciprocité. Ils avaient peu, voire pas d'argent du tout, mais n'en avaient pas besoin pour bien vivre. Cela n'a donc pas vraiment de sens d'affirmer qu'ils étaient pauvres. Cette façon de vivre a été violemment détruite par les colonisateurs qui ont expulsé les habitants de leurs terres et les ont encartés dans des mines, usines et plantations appartenant aux Européens, où ils recevaient des salaires dérisoires en échange d'un travail qu'ils ne voulaient pas effectuer en premier lieu. D'autres termes, le graphique de Roser illustre l'histoire d'une prolétarisation forcée. L'idée selon laquelle cela constituerait une amélioration de la vie des gens est largement discutable, étant donné que dans la plupart des cas, nous savons que leurs nouveaux revenus, leurs salaires, étaient bien loin de compenser la perte de leurs terres et de leurs ressources. Terres et ressources qui ont bien sûr été accaparées par les colonisateurs. Le graphique préféré de Gates maquille la violence de la colonisation en une jolie histoire de progrès. Mais il y a plus. Leur graphique se base sur un seuil de pauvreté de 1,90$ par jour, qui correspond à ce que 1,90$ pouvait acheter aux États-Unis en 2011. À tout point de vue, ce seuil est indécemment bas. Nous disposons désormais de nombreuses preuves indiquant que les personnes vivant juste au-dessus de ce seuil ont de très mauvais taux de nutrition et de mortalité. Ce n'est pas parce que vous gagnez 2$ par jour que vous n'êtes plus dans une situation d'extrême pauvreté. Pas du tout. Cela fait des années que des chercheurs réclament un seuil de pauvreté plus approprié. La plupart s'accordent pour dire qu'un individu devrait disposer d'au moins 7,40$ par jour pour bénéficier d'une nutrition basique et d'une espérance de vie normale, et aussi d'une chance à peu près décente de voir leurs enfants survivre à leur 5e anniversaire. Beaucoup de chercheurs, dont l'économiste de Harvard, Lant Pritchett, affirme même que le seuil de pauvreté devrait être bien plus élevé entre 10 et 15 dollars par jour. Et qu'observons-nous si nous mesurons la pauvreté mondiale à travers ces indicateurs un peu plus décents, disons 7,40 dollars par jour pour rester très conservateur? Eh bien, nous constatons que le nombre de personnes vivant en dessous de ce seuil de pauvreté a énormément augmenté depuis que la collecte de données a débuté en 1981, pour atteindre environ 4,2 milliards de personnes aujourd'hui. Ainsi, le glorieux récit de Davos s'effondre-t-il? Outre les maigres améliorations qui se sont produites, ont toutes pris place au même endroit, en Chine. Il est donc malhonnête pour des personnes comme Gates et Pinker de les présenter comme des accomplissements du néolibéralisme du consensus de Washington. Sortez la Chine de l'équation et les chiffres empirent. Au cours des 4 dernières décennies, non seulement le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté, mais la proportion des personnes vivant dans la pauvreté a stagné autour des 60%. Difficile d'exagérer les souffrances que cela indique. Cela constitue un sévère réquisitoire à l'encontre de notre système économique mondial qui nuit à la majeure partie de l'humanité. Notre monde est plus riche que jamais, mais toutes ces richesses, ou presque, est entre les mains d'une petite élite. Seulement 5% de tous les nouveaux revenus provenant de la croissance mondiale parviennent aux 60% les plus pauvres. Et pourtant, ce sont eux qui produisent la plupart de la nourriture et des biens que le monde consomme. Travaillant durement dans les usines, plantations et mines, où ils ont été incarcérés il y a 200 ans. Une folie qu'aucun argument paternaliste formulé par quelques milliardaires ne saurait justifier. Jason Hickel. Nous partons avec le micro au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté à Namur, derrière la gare précisément. Et nous allons rencontrer les témoins du vécu militant. C'est comme ça qu'on les nomme, c'est comme ça qu'ils se nomment au réseau. C'est quoi un témoin du vécu militant? Ben c'est un pauvre, voilà. C'est un pauvre, des gens qui vivent sur le terrain, des réalités hein, bien concrètes, difficiles. Et du coup, ces témoins du vécu militant vont poser leurs questions directement à un économiste. Et cet économiste, cette fois-ci, parce qu'il y aura d'autres économistes, hein, il y aura d'autres micros ouverts, cette fois-ci, cet économiste, c'est Étienne de Calataille. Alors, il se présente, les gens se présentent autour de la table, mais je fais un petit tour. Hein, il y a Christine Maï qui travaille au réseau, il y a Julie Mahouet qui travaille au réseau également. Et puis, il y a les témoins du vécu militant. Il y a Ludwig, Guy Joris, Damien, Eddy, Audrey, Henri. Il y a du public aussi qui est là. C'est parti, un micro ouvert, c'est comme ça que s'appelle l'émission, hein, avec monsieur Étienne de Calataille, qui est économiste. Vous allez un peu vous présenter en quelques mots? Volontiers. Mais c'est moi qui tiens le micro, parce que sinon on entend tout, les bruits du micro. Bonjour, je suis Étienne de Calataille. Moi je suis bruxellois à la base, mais j'y suis venu à Namur pour accessoirement rencontrer mon épouse. Non, ça c'était le cadeau bonus. En fait, pour étudier l'économie. En fait, je m'étais inscrit à la faculté de sociologie et puis j'ai bifurqué vers l'économie. J'ai fait ça ici pendant 5 ans et je garde de bonnes attaches à Namur puisque je donne cours et je suis actif à différents niveaux dans l'université. Pour le reste, sinon, j'ai travaillé comme économiste d'abord dans le secteur public avant de travailler dans le secteur privé. Dans le secteur public, j'ai travaillé à la Banque nationale, au Fonds monétaire international, souvent décrié, mais donc j'ai pu observer son fonctionnement d'intérieur, j'en étais, puis-je dire. Puis j'ai travaillé pendant quelques années dans les cabinets ministériels, pour Jean-Luc Dehaene en particulier, avant de passer dans le secteur privé, dans une banque qui s'appelle la Banque de Grove, qui est une banque où on va gérer le patrimoine des gens qui ont de l'argent ou des institutions qui ont la chance d'avoir de l'argent. Et en 2015, j'ai quitté la Banque de Grove pour créer avec d'autres anciens de la Banque de Grove une société de gestion patrimoniale, donc toujours destinée d'abord à personnes privées qui ont des sous, aux institutions qui ont des sous, mais avec une tonalité de l'investissement irresponsable, où on essaye d'investir dans des sociétés qui se comportent mieux ou moins mal sur le plan environnemental ou social. Alors, il y a aussi autour de la table Christine Mailly. Présentation, Christine. Oui, donc moi, je suis secrétaire générale du réseau Wallon, mais ce qui est surtout intéressant de dire, à la fois pour les auditeurs et à la fois pour Étienne de Calataille, c'est qu'il est accueilli dans une association qui a pour utopie, but ou ambition, ça dépend ce qu'on veut mettre derrière, l'élimination de la pauvreté et non pas sa gestion. Donc on voudrait voir une société qui élimine toutes les compensations indignes mises en place pour que les gens survivent plutôt que de pouvoir être libre dans une existence avec une autonomie financière et l'accès à des services qui offrent des perspectives positives pour les gens. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on rencontre des économistes et donc vous en premier aujourd'hui. Et alors j'avais aussi noté, ça c'est un peu une impro, Julie Maouet, quelque chose... Bon, c'est vrai, tu fais partie aussi de l'équipe, parce que sinon on ne te voit pas, c'est la radio, on ne te voit pas. Rien à dire ? Ok, rien à dire. Et les témoins du vécu militant, petite présentation. Alors nous sommes des personnes connaissant la pauvreté, vivant dans la pauvreté le plus souvent, et qui avons décidé de témoigner de notre vécu, mais pour essayer de faire changer les lois. Pas seulement pour dire on est pauvre et qu'est-ce qu'on peut y faire, non. On essaie d'un point de vue institutionnel aussi, en faisant des rencontres entre nous, en partageant nos idées, de faire changer les choses. Allez, on démarre. Première question. Petite précision pour bien comprendre la suite. L'idée, donc, c'est bien d'entendre les réponses aux questions posées. Ici, il ne va pas y avoir de débat, grosse discussion, on s'entend plus parler. C'est vraiment entendre la réponse de cet économiste, en l'occurrence Étienne de Calataille. Il y aura d'autres économistes avec les mêmes questions. Et donc, c'est entendre vraiment toutes les idées que peut défendre l'économiste, cet économiste, Étienne de Calataille, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de lui. C'est en deux parties. Bonjour. Tout d'abord, on aimerait vous demander qu'est-ce que la pauvreté est exactement pour vous, et à partir de quand pensez-vous que les personnes sont pauvres? Quand deviennent-elles pauvres, en fait? Deux questions. Alors, je pense que très longtemps, on a défini la pauvreté exclusivement sous un critère de revenu, alors que je pense, et c'est ce qui domine aujourd'hui, il faut avoir une notion beaucoup plus large de la pauvreté. Sans en être un bon connaisseur, je m'inscrirais dans les pas d'un économiste d'origine indienne, Amartya Sen, qui parlait des potentialités. En fait, est pauvre celui qui n'a pas les potentialités qu'il serait en droit d'avoir et que d'autres ont. Voilà, mais donc je pense qu'il faut avoir cette approche très très large de la pauvreté. La pauvreté, c'est peut-être plus d'être privé de liens sociaux que d'être privé d'argent, par exemple, s'il fallait faire une hiérarchie. Mais il n'y a pas lieu de faire de hiérarchie, c'est évidemment idiot. Mais si on s'en tient à la définition plus économique ou économiciste de la pauvreté, elle serait double. On peut définir la pauvreté soit comme un certain niveau de pouvoir d'achat. J'ai autant d'argent par mois, ça me permet d'acheter autant de calories. Pour mesurer la pauvreté dans les pays pauvres, c'est ce qu'on privilégie. Le plus souvent, c'est comme ça qu'on va définir la pauvreté. L'extrême pauvreté, par exemple, au niveau international, c'est vivre avec moins de 1,9 $ par jour, en tenant compte du coût de la vie, parce que dans certains pays, ça coûte plus cher que dans d'autres, donc il faut bien sûr adapter ça. Mais donc c'est un niveau absolu, c'est un certain niveau de revenu, une capacité à acheter. Vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas pauvre, vous êtes en dessous, vous êtes pauvre. Ce qu'on privilégie comme autre définition économique ou économiciste de la pauvreté, c'est une définition relative. Vous êtes pauvre si vous avez beaucoup moins que ceux qui en moyenne vivent dans la société où vous vivez. Et ça semble être la mesure la plus pertinente. J'aime raconter, quand j'étais gamin, dans ma classe, il y avait un qui allait au sport d'hiver. On le regardait comme un gars qui devait peut-être avoir de la chance, mais on n'était pas jaloux, voilà, il allait au sport d'hiver. Mais si je suis dans une classe et que la majorité des enfants vont au sport d'hiver, je veux aussi aller au sport d'hiver. Donc on voit bien qu'une bonne partie de nos envies, de nos besoins, parce que je ne vais même pas faire la distinction entre les deux, dépendent de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc il faut définir alors la pauvreté comme étant ma capacité à moins acheter par rapport rapport à ce que le Belge moyen ou le Wallon moyen ou le Namurois moyen est en état d'acheter. La définition classique, mais je ne vais pas être trop technique, c'est 60% du revenu médian. Donc, on dit, on distribue tous les Belges, du plus riche au plus pauvre, et on regarde celui qui est de telle sorte qu'il y a autant de Belges plus riches qu'il y a de Belges plus pauvres. Ça, ça va être le Belge médian dans notre jargon. Hein. Imaginons qu'il y ait, pour faire simple, 10 millions de Belges, et bien donc, c'est celui qui est le 5 millionième. Il y en a 5 millions plus riches que lui et 5 millions de moins. Donc, on va dire, celui-là, ah ben celui-là, il a le revenu médian. Et bien, si vous avez que moins que 60% de ce revenu-là. Imaginons que le revenu médian soit 2000 euros. 60% de 2000 euros, ça va être 1200. Et on va dire, en Belgique, est pauvre celui qui a moins de 1200 euros par mois pour vivre. C'est une mesure très imparfaite, parce que quand j'ai dit ça, je n'ai pas encore parlé de la composition de la famille. Je n'ai pas parlé du fait que vous seriez peut-être propriétaire de votre logement ou pas. Je n'ai pas parlé des ressources auxquelles vous avez accès, si vous avez un potager ou pas, et ce genre de choses. Mais c'est comme ça que les économistes le plus fréquemment mesurent la pauvreté, 60% du revenu de l'homme moyen, représentatif de la société dans laquelle on se trouve. Ça a répondu ? C'est vrai que je pourrais chaque fois reposer, ça va, c'est... Oui. Si on devait mettre un chiffre actuellement, qu'est-ce qu'être pauvre ? En dessous de quel chiffre est-on pauvre ? Je vais répondre indirectement. On a une fille qui gagne pour le moment 595 euros par mois parce qu'elle est volontaire chez ATD Carmonte. Je peux vous dire qu'avec ça, elle ne s'en sort pas. Donc je peux vous dire qu'avec ça, c'est un niveau de pauvreté. Très très difficile de donner une réponse absolue à ce que c'est la pauvreté. Deuxième élément d'information pour dire pourquoi c'est difficile. Elle loge dans une chambre de 12 mètres carrés pour laquelle on lui demande de payer 360 euros. Ça vient en plus de ce que ATD lui donne. Hein. Mais donc 360 euros pour 12 mètres carrés. C'est heureusement pas aussi cher partout en Belgique que ce ne l'est à Bruxelles. Donc difficile de donner un chiffre. Si je devais donner un ordre de grandeur pour un célibataire, je dirais que ça devrait être de l'ordre de 1200 euros par mois. Deuxième question, c'est qui ? Parce que moi, j'ai pas mes papiers. C'est toi ? Moins on a d'argent, et plus c'est difficile, plus la vie coûte cher. Et plus on a d'argent, et moins la vie coûte cher. Alors, par exemple, on ne sait pas remplir sa citerne de mazout d'un coup, et donc on doit fractionner, et donc ça coûte plus cher quand on le fait par petite quantité. On ne sait pas acheter des bonnes paires de chaussures, donc on achète des chaussures en solde et on doit en acheter plus. On ne sait pas isoler sa maison et on dépense plus d'énergie. On paye. Et pourtant, dans tout ça, on paye la même TVA que des gens qui achètent le même bien mais qui ont de l'argent. Et pour les biens de première nécessité, on ne peut pas acheter non plus des électroménagers de qualité. Alors, ce que je vous demande, c'est qu'avez-vous comme réponse à cette injustice ? Qu'est-ce que vous proposez pour supprimer cette injustice ? Le problème que vous pointez est un problème réel. J'imagine aisément qu'il n'est pas perçu par tous, mais enfin, il y a un certain nombre d'économistes, certainement que Philippe Defay, est bien connu ici à Namur, s'est déjà prononcé sur la question, et j'ai déjà eu l'occasion de parler de cela avec lui. Oui, vous avez raison, le coût de la vie est plus élevé pour un pauvre que pour un riche, ne serait-ce qu'aujourd'hui, c'est moins à la mode, mais il fut un temps où les achats bon marché, on les faisait dans des supermarchés en dehors de la ville. Ça suppose que vous ayez une voiture pour vous rendre en dehors de la ville. Tandis que si vous êtes obligé d'avoir accès uniquement à la petite épicerie du coin de la rue, ça vous coûte plus cher. C'est quelque chose qui est connu. Autre exemple, moi, je fais mes courses chez Colruyt. J'ai été acheté chez Colruyt hier. Hier, les produits Côte d'Or, le troisième était gratuit. Mais moi, ça ne m'a pas fait de problème. J'en ai acheté deux et j'ai eu le troisième gratuit. Mais parce que j'avais dans mon portefeuille la carte qui me permet de payer. Si vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste, un vilain mot, mais c'est les contraintes de liquidité. C'est comme ça qu'on appelle ça pudiquement, des contraintes de liquidité. Donc si vous n'avez vraiment pas beaucoup de sous dans votre portefeuille, pour parler clairement, ben vous n'avez pas acheté le deuxième paquet de chocolat qui vous donne droit au troisième gratuit. Vous n'en avez en acheté qu'un et dès lors, la vie vous coûte plus cher. L'exemple du chauffage est tout à fait connu, de l'isolation est également connu. Donc oui, ça coûte plus cher on a accès plus difficilement à ce qui est bon marché, sans parler de ce qui est lié à l'information, ce qui a, il y a d'autres phénomènes, celui qui va en vacances dans un endroit où les articles textiles sont bon marché, revient avec des articles textiles bon marché, et c'est pas rare, les gens qui font des grands voyages, ils reviennent avec des choses qu'ils ont achetées bon marché, et t'as vu, j'ai acheté ça pas cher, etc. Oui, mais t'as pu payer le billet d'avion qui t'a permis d'y aller. Donc c'est un problème qui est connu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'il est difficile de mesurer le coût de la vie pour un Belge moyen. Un Belge moyen, ça n'existe pas. Il y a des Belges qui sont dans ces situations différentes. Et donc, ça veut dire aussi, pour moi, en termes de politique économique, qu'il faut différencier ce que nous faisons. Et je vais prendre un exemple, c'est l'indexation automatique des prestations sociales. On le sait, lorsqu'on est retraité, chômeur, les prestations sociales sont indexées. Mais elles sont indexées sur la base du panier de ce que consomme le Belge ou la Belge moyen ou moyenne. Mais ce que consomme la personne pauvre n'est pas nécessairement ce que consomme le Belge moyen. Si par exemple le prix des voitures diminue, j'ai envie de dire que vous êtes pauvre, ça vous fait une belle jambe. Oui, mais si le prix des voitures diminue, l'indexation diminue. Ça, vous n'avez rien économisé. Et on sait que les personnes qui sont à moindre revenu ont deux catégories de dépenses où ils dépensent plus proportionnellement que le Belge moyen. C'est l'énergie et le logement. Donc quand le logement monte, en particulier, parce que c'est bien plus net encore que pour l'énergie, quand le logement monte, les allocations sociales montent un petit peu. Mais pour le pauvre, le coût est beaucoup plus élevé. Il y a moyen de répondre à cela. Si nous le voulions, il y a moyen. Nous pourrions très bien décider que l'indexation automatique des prestations sociales soit calculée non pas sur le panier de consommation du Belge moyen, mais j'ai envie de dire du pauvre moyen. Et à ce moment-là, on serait sûr que quand le logement augmente de prix, eh bien le pauvre voit son allocation sociale augmenter à concurrence de ce qui est nécessaire pour payer son loyer. Donc il y a moyen. Vous évoquiez une autre piste, qui est la différenciation de la TVA. Alors, il y a une réponse de juriste, j'ai envie de dire, je ne suis pas juriste, qui serait de dire, la TVA, c'est un impôt qui est déterminé au niveau européen, la Belgique n'a plus la latitude de déterminer, je vais faire ceci ou ça en matière de TVA. Donc on n'a pas toute la liberté qu'on veut en matière de TVA. Ce n'est pas une vraie réponse. On est ici dans un débat d'idées. Donc, est-ce qu'il serait bien que la TVA soit moins élevée sur certains biens et plus sur d'autres? La réponse, en apparence, est évidente. Bien sûr que nous souhaiterions que la TVA sur les voitures soit plus élevée et sur la nourriture moins élevée. C'est tellement évident que c'est déjà un petit peu le cas. Aujourd'hui, la TVA sur la nourriture est à 6%, alors que sur la plupart des biens, elle est à 21%. Donc ce qui a été considéré comme la nourriture. Mais vous savez bien, tout le monde ne mange pas la même chose. Et le morceau de viande de l'un ne sera pas le morceau de viande de l'autre. Hein? Le bas morceau de l'un ne sera pas la bonne viande bio de l'autre. Hein? Mais aujourd'hui, tout ça, c'est du 6% de TVA. Vous dites, oui, mais alors justement, on va faire en sorte que certains éléments de la nourriture soient à 6% et d'autres soient à 21% ou même plus, si c'est de la nourriture de luxe, hein, que les produits d'entrée de gamme, les produits bon marché et une TVA plus. Mais la difficulté ici est une difficulté pratico-pratique, mais aussi même sociale. Je laisse le côté le pratico-pratique. D'un point de vue social, il est possible que un pauvre... Je n'aime pas parler d'un pauvre, mais enfin, c'est pour faire simple, hein, qu'un pauvre, s'il a le choix entre consommer 50 grammes de viande bio ou 70 grammes de viande normale, préférera le bio. Pourquoi est-ce qu'on irait taxer le bio, c'est un truc de riche, donc il faut... Je n'aimerais pas la stigmatisation non plus, dire il y a les aliments pour pauvres qui sont peu taxés et les aliments pour riches, parce que ça serait aussi participer à une dualisation de la société. Ce serait stigmatisant. Il y aurait la catégorie des produits peu taxés, mais ça, ce serait les produits de mauvaise qualité, etc. Et l'air de dire, ben, vous, puisque vous êtes pauvre, vous n'y avez pas accès. Et ce serait priver, je pense, la personne pauvre de sa liberté de gestion de son budget. C'est déjà une liberté très limitée, parce que les fins de mois sont déjà bien difficiles. Mais je trouve qu'aller encore plus loin en disant, ça, c'est un produit que moi, puissant, je considère être un produit de luxe, donc ça ne va pas. Il y a eu un débat récemment, c'est intéressant, c'était dans Le Monde, à propos des gilets jaunes. Il y avait un gars qui disait, moi j'ai des fins de mois difficiles, et alors quand j'emmène les enfants au McDo, c'est pas évident. Et les gens se sont exprimés, mais enfin, c'est scandaleux. S'il était vraiment pauvre, il n'emmènerait pas au restaurant. Si on veut au restaurant, c'est qu'on en ait les moyens, il n'a qu'à se faire à manger. Et donc, tout de suite, une immixion dans le budget de la personne, disant, moi, le puissant, je sais ce que le pauvre a le droit ou pas le droit de faire de son budget. Je ne voudrais pas aller dans ce monde-là. Donc, aller dans un univers où il y aurait une TVA bon marché pour certains produits, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je préfère de loin qu'on revalorise les allocations sociales ou les bas salaires, et que ça donne la liberté aux pauvres de faire ses choix de consommation, comme pour n'importe quel consommateur. C'est que nous, les pauvres, en fait, on nous impose un index moyen. Donc, on est quelque part agressé par ça. Au niveau des budgets qui comptent pour le pauvre, je crois que vous en avez oublié un, c'est l'alimentation. Il est super important dans un petit budget, hein. Et alors, sur la TVA, il y a de toute façon 3 taux de TVA. On a 6% pour les restaurants. Moi, en tant que pauvre, je vais rarement au restaurant. Donc, je crois qu'on peut peut-être cibler parfois tout de même. Il y a de toute façon, ces taux existent. On ne les crée pas. Donc, il y a peut-être une réflexion à se faire. 6, 14 ou 20, c'est ça ? 12. 6, 12 et 21. Vous avez tout à fait raison. Il y a des bizarreries. Par exemple, le quad, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de pauvres qui se déplacent en quad. Le quad est taxé à 6% parce que c'est assimilé à un produit, à un engin agricole, et que le monde agricole a obtenu cet avantage, qui est un avantage absurde, surtout au regard à l'empreinte environnementale déplorable de ce genre d'engin. Donc, il y a eu un lobby du secteur Horeca pour abaisser la TVA, pas sur l'aspect boisson, mais sur l'aspect nourriture dans les restaurants, et ils ont obtenu 6%. Ils disent, vous verrez, avec ça, on va mettre un terme au travail au noir et ça va créer de l'emploi. On n'a rien vu de tout ça. Ils ont engrangé l'abaissement de la TVA. Vous n'avez pas vu le prix des pizzas baisser ou le prix de... Bien entendu. Donc, c'est un argument qui a été mené, et c'est une certaine politique, on va même le dire, hein, portée par un parti plutôt bleu, qui est une escroquerie intellectuelle. Donc, il faut... Mais néanmoins... La liberté d'agir de la Belgique de manière isolée en la matière est limitée. La loi européenne, c'est que nous avons un taux normal de TVA qui doit être de minimum 15% et que nous avons fixé à 21%. Et on a droit à un taux réduit, en Belgique 6%. Et il y avait un dispositif qui permettait de manière transitoire d'avoir un taux intermédiaire, taux parking, qu'on a appelé ça dans le jargon, à 12%. Mais comme en Belgique, on le sait, il y a du provisoire qui dure. Hein. L'atomium, ça devait être aussi provisoire. Et fort heureusement, elle est toujours là. Oui, mais je vais enchaîner, moi, en partant d'un exemple de Damien qui n'a pas su être parmi nous, qui est témoin du vécu aussi, mais qui a participé aux préparations, et donc une réalité concrète, et puis venir sur des questions qui vont un peu dans l'enchaînement de la fin de la première intervention liée aux revenus. Voilà. Donc, moi, je vois bien dans ma vie quotidienne, nous dit Damien, les prix des produits de base augmentent, la nourriture surtout, hein, on vient d'en parler, et puis l'eau, l'électricité, le pétrole, les tickets de bus, de train, le loyer, etc. Mais les revenus des chômeurs baissent, donc lui, il est chômeur, et il y a plein de revenus qui sont toujours en dessous du seuil de pauvreté. Alors je dois me priver de plus en plus du reste maintenant. Donc là, lui, il parle de la privation, hein, d'aller à une activité culturelle, parfois de prendre le train. Je dois couper le chauffage, me priver d'électricité, me passer d'Internet, ne pas savoir faire réparer mon vieil ordinateur, etc., etc. Donc je vis mal, je suis stressée tout le temps et plein d'autres sont comme moi. Je ne suis pas le seul. Alors il y a des questions qui vont avec ça. Je voudrais vous demander ce que vous proposez pour régler ça. On en a parlé un tout petit peu avant, et les questions qui vont avec, c'est est-ce que vous trouvez que ça coûterait trop cher à l'État d'augmenter tous les revenus au-dessus du seuil de pauvreté et aussi de supprimer le statut cohabitant qui renvoie plein de gens dans la pauvreté? Est-ce que vous pensez que tous ces gens très nombreux, finalement, autant par le revenu trop bas que le statut cohabitant, est-ce que vous pensez que tous ces gens valent suffisamment la peine pour la société et pour l'État, pour que cet État décide de ce budget à consacrer à ces augmentations? Vous avez compris, tout entendu, retenu, ou bien Christine les répète? Tout à fait. Je vais commencer par une remarque générale. Il y a un ressenti qui est très largement partagé que les revenus n'ont pas augmenté à la mesure du coût de la vie. C'est un ressenti de Damien, c'est un ressenti, j'imagine, présent pour beaucoup d'entre vous. C'est en fait un ressenti qui est très largement répandu dans la population. Et encore aujourd'hui, on entend fréquemment, depuis l'introduction de l'euro, eh bien, les prix ont beaucoup augmenté et beaucoup plus que mon revenu. Donc, je suis devenu plus pauvre. Il y a un hiatus, il y a un problème. C'est que les statistiques ne confirment pas cela. Il y a ce ressenti citoyen, et puis il y a les chiffres qui ont l'air de dire que le pouvoir d'achat a augmenté. Pas de beaucoup, mais a eu tendance à un petit peu augmenter. En moyenne. Alors, la moyenne est un instrument dangereux parce qu'il cache une dispersion. Vous pouvez avoir, l'exemple que je donne pour jour pour illustrer ça, c'est si vous avez la tête dans le four et les pieds dans le frigo, la température moyenne du corps est satisfaisante, mais ce n'est pas une situation très confortable. Donc la moyenne, c'est une notion dont il faut se méfier. Peut-être qu'il n'y a personne qui est moyen, qu'il n'y aura que des ultra-riches et des ultra-pauvres, et on parle d'un Belge moyen qui n'existerait pas. Hein. Donc, il faut être prudent avec la moyenne. Mais ici, j'ai envie de dire, j'ai presque dit, c'est une majorité de Belges qui vont avoir l'impression que leur pouvoir d'achat stagne. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est de mesurer correctement le pouvoir d'achat, sans que le statisticien ne vienne avec ses valeurs personnelles. Je vais m'expliquer. Damien nous a dit, mais j'ai un ordinateur, j'ai Internet. C'est un instrument indispensable. Aujourd'hui, si vous voulez faire une recherche d'emploi, il vaut mieux pouvoir postuler aussi par Internet. On ne va pas reprocher, évidemment, à Damien d'avoir un ordinateur. Mais il y a quelqu'un qui va lui dire, ah oui, mais il y a 30 ans, il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas d'Internet, donc il n'avait pas ses dépenses dans son budget. Maintenant, Damien a choisi d'avoir dans son budget des dépenses pour Internet et des dépenses d'ordinateur. Et donc, on le sent bien, c'est pas qui suis-je moi, mais qui est le statisticien pour dire, ah oui, mais dans le cas de Damien, parce qu'il est chômeur, l'ordinateur et Internet, c'est à des fins de revenus, donc ça, c'est nécessaire. Mais si c'est pour offrir un ordinateur au gamin et que le gamin aille s'amuser à regarder des trucs, ça, c'est du loisir, ça, c'est pas indispensable. Je ne voudrais pas aller dans un monde dans lequel le statisticien viendrait dire « ça c'est une bonne dépense, ça c'est une dépense de luxe, ça vous vous en passerez ». Donc le statisticien, quand il remarque que les gens ont un peu plus de sous, et qu'avec un peu plus de sous, ils prennent un abonnement à Internet, ils ont un téléphone portable, ils ont que sais-je, il va considérer que c'est une amélioration de votre pouvoir d'achat. Alors que vous, vous ne le ressentez pas comme une augmentation de votre pouvoir d'achat. Autre exemple, beaucoup plus important, lié à la composition des familles. On sait bien que quand une famille se sépare, ça induit un surcoût. Divorcer coûte cher. Il faut racheter des lits, il faut dédoubler certains équipements scolaires, il faut... voilà. Mais pour le statisticien, si vous achetez un lit en plus, ça va être considéré comme une dépense de loisir. C'est peut-être parce que vous avez une seconde résidence que vous avez, ou c'est parce que vous décidez d'aménager une chambre pour amis et que vous mettez un lit dedans. Le statisticien, il ne va pas dire « oui, mais ça, c'est le lit du divorce. Celui-là, c'est une dépense obligée, contrainte, obligatoire. Et puis, il y a l'autre lit qui est le lit plaisir. » Non, il va dire « c'est un lit. Vous choisissez d'avoir un lit en plus. » La réponse du gars, c'est « ben non, je ne choisis pas, je divorce. Je me suis fait plaquer par, je dois bien acheter un lit. C'est pas une dépense plaisir. » Oui, mais le statisticien, il ne peut pas entrer dans ce territoire de dire « voilà, parce que sinon, ce serait trop intrusif. » Et donc, il va considérer que si on achète des lits en plus, c'est du loisir. Mais on sait bien que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Internet, il va considérer que c'est du loisir. Mais on sait bien que Internet, c'est un instrument indispensable pour trouver du boulot pour certains. Et ainsi, vous pouvez multiplier les exemples. Donc, déterminer comment le pouvoir d'achat effectif a évolué, c'est très, très difficile. Il ne faut pas évacuer le ressenti, il ne faut pas évacuer les statistiques, il faut voir que ce sont deux réalités qui ont chacune quelque chose à nous dire. Alors, si le ressenti, c'est que les gens, aujourd'hui, ont du mal à nouer les deux bouts, eh bien, il faut se poser la question de, effectivement, faudrait-il revaloriser le chômage? Et c'était ici la première des questions, les revenus en général. Bien entendu que tout le monde souhaiterait que tous les revenus de tout le monde soient augmentés. Première chose, tout le monde souhaiterait que si ceux qui doivent être augmentés, c'est ceux qui ont moins. C'est une évidence. Pourquoi ne pas le faire? Parce que malheureusement, premier élément, il y aurait beaucoup de gens concernés. Il ne s'agit pas ici d'améliorer le pouvoir d'achat d'un nombre limité de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont un revenu limite. 20% des Belges ont des difficultés à nouer les deux bouts. Donc, revaloriser les allocations sociales ou les petits salaires on parle d'un très grand nombre de gens. Et donc, ça veut dire beaucoup de sous, puisque c'est de l'argent multiplié par beaucoup de gens. Si c'est, vous savez, prendre en charge une maladie très très rare qui ne concerne que quelques personnes, ben oui, là, entre guillemets, c'est plus facile d'être généreux, parce que sur le budget de l'État, ça ne va pas coûter beaucoup. Mais que dans la mesure où vous avez plus de 2 millions de Belges qui nous disent avoir du mal à nouer les deux bouts, si vous devez augmenter le pouvoir d'achat de 2 millions de Belges, ça coûte. Alors, comment est-ce que ça va coûter ? Ou bien c'est l'État qui donne, ou bien c'est les entreprises qui donnent, pour faire simple. Alors, si les entreprises le font, certaines vont dire « Ah oui, mais alors moi je suis plus rentable, ça ne me va pas. » Ou bien « Je dois vendre plus cher, mais alors je ne suis plus compétitif, comme on dit, par rapport aux autres producteurs. » Difficile à imaginer dans l'environnement économique dans lequel on est. Pas impossible, mais difficile. Du côté de l'État. L'État dit « Ah ben oui, oui, on va revaloriser, on va donner, hein, on va diminuer les taxes, augmenter les prestations sociales, augmenter certaines allocations, que sais-je. » Oui, mais cet argent, il ne vient pas de nulle part. On va aller le chercher ailleurs. Ou bien on va le chercher dans les générations qui suivent en disant « Ce seront les générations futures qui payeront. » Ou bien on va le chercher dans la poche de quelqu'un d'autre. Chercher dans la poche de quelqu'un d'autre, ça peut se faire sous deux formes. Ou bien on va dire à quelqu'un d'autre « Tu vas payer plus d'impôts pour que je puisse revaloriser. » Ou bien on va dire à quelqu'un d'autre « Tu vas recevoir moins de la part de l'État. » Bon. Selon les préférences des uns et des autres, on préférera que certains impôts augmentent ou on préférera que ce soit certaines dépenses qui diminuent. Hein. Certains diront ben « Pour moi, on peut se passer de l'armée. Pour moi, on peut taxer beaucoup plus le revenu du capital. Pour moi, chacun ira de sa solution. » Mais il ne faut pas penser que ça va être facile, qu'il n'y a qu'à. Il y a une solution que l'on entend souvent, c'est prendre l'argent chez les gens qui ont beaucoup de sous. Mais il y a en Belgique, la Belgique est un pays de gens, ce sont les clients d'Orcadia comme c'était les clients de la Banque de Grove. Donc il y a un certain nombre de gens riches, mais n'imaginons pas qu'il y aurait moyen de faire contribuer beaucoup plus ces gens et que ça viendrait à augmenter de manière spectaculaire les revenus. Pourquoi faut-il dire ça ? Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui étaient prévues sur la taxation du capital ou oui, si je développe ça plus tard. Ben, on peut le faire maintenant en cours et pas trop. Ce qui est surtout quand même intéressant, parce qu'il y a, il y a la mathématique, ok, mais il y a aussi le fait qu'au-delà de où aller chercher l'argent, etc., un État peut aussi prioriser à l'intérieur de l'ensemble de son budget fédéral. Pas seulement uniquement en le voyant sur l'impôt, les taxations, etc. Un État fait des choix de dépenses en armée, en type de service, etc., etc., en accueil de type d'entreprise, en équipement, enfin, etc. Donc comment est-ce que l'État pourrait faire des choix autrement ? Et ce qui est surtout inquiétant et troublant, c'est que ça fait des années qu'il y a des revenus sous le seuil de pauvreté, et le seuil de pauvreté, ce n'est pas encore le Pérou. Hein. Ça atteint ce que vous disiez tout à l'heure, 1250 pour une personne seule, ce serait... Bon, ben, il y en a plein qui sont encore en dessous. Donc il y a un peu une hypocrisie, d'abord généralisée, d'adhérer à des programmes européens où on dit qu'il y a un seuil de pauvreté, et de ne pas tout faire pour aligner au-dessus, ainsi qu'une gravissime réalité de ce statut cohabitant. Donc il y a aussi qu'il y a l'impression que l'État répond tout le temps à ces gens-là, qui sont effectivement très nombreux. Vous n'êtes pas assez intéressant et assez important pour nous, pour que nous décidions de nous mettre au travail pour libérer l'argent, même dans une certaine progressivité, hein, sur une législature, etc., pour qu'enfin vous soyez au minimum au seuil de pauvreté, pour qu'enfin ce statut cohabitant disparaisse, sans même parler encore que si les gens, on peut le supposer, sont augmentés, ils deviennent des consommateurs plus intéressants pour l'économie directe. Donc il y a aussi la question un peu de sens et de fond, et pas seulement explicative, quoi. Politiquement, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Si vous étiez ministre des Finances demain, est-ce que vous enclenchez... Ah, mais c'est possible, je crois. Ça a été évoqué, en tout cas. Qu'est-ce que vous enclencheriez en vous disant ben, cette population a suffisamment d'importance dans notre société à nos yeux pour qu'on décide de régler ça, en tout cas au moins de cette façon-là. Et moi, je rappelle, merci de répondre à la question, de ne pas partir ailleurs, parce que de toute façon, il y a d'autres questions. Pour augmenter le revenu des personnes qui aujourd'hui sont à des niveaux de revenus faibles, trop faibles par rapport à ce que l'on peut estimer comme décent, la première piste à laquelle on va penser, c'est de prélever plus d'impôts ailleurs pour avoir plus d'argent pour pouvoir augmenter ses prestations. Une deuxième piste, c'est diminuer d'autres dépenses, dépenser moins pour, par exemple, les subsides aux entreprises, dépenser moins pour, je ne sais pas, hein, ça pourrait être les écoles, la santé, etc., en disant, ben voilà, moi, je fais d'autres choix au profit de la lutte contre la pauvreté. On pourrait aussi imposer aux entreprises, pour ce qui est des salaires, de revaloriser les petits salaires. Il y a une panoplie de mesures qui sont possibles. Donc, premier élément, il y a moyen d'agir. Donc, on n'est pas ici à se baisser les bras en disant on ne sait rien faire. Donc, je pense que ça, c'est le plus important, c'est de se dire il y a moyen d'agir. Il faut que la collectivité se mette d'accord sur les moyens d'agir. Et partant de ce constat que le niveau de pauvreté que nous avons est tout simplement inacceptable, intolérable. Comment faire ? Comment faire ? S'ils étaient un dictateur bienveillant, ou de manière plus modeste, si je faisais de la politique active, je pense qu'il faut activer les différents leviers en même temps. Je pense qu'il y a lieu pour l'État d'avoir une autre fiscalité, très très certainement. Je pense qu'une politique qui chercherait à revaloriser les allocations familiales serait vraisemblablement le premier outil de lutte contre la pauvreté auquel on pourrait penser, sans les effets parfois dommageables que l'on associe aux revalorisations d'indemnités ou d'allocations style allocation de chômage, parce qu'alors il y a le risque, dit-on, que si on revalorise les allocations de chômage, l'incitation à travailler soit plus faible et ce genre de choses. Mais donc, il y a moyen de donner, de transférer plus, d'améliorer les transferts sociaux. On a fait beaucoup en matière de pension ces dernières années, peut-être trop peu encore, mais aujourd'hui, à la différence d'il y a 50 ans, être pensionné n'est plus synonyme d'être pauvre. Après-guerre, était pauvre 95% des retraités. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, en plus, les retraités sont souvent propriétaires de leur logement. Donc, une politique ciblée sur les retraites ne me semble pas ce qu'a lieu de souhaiter. Je pense que là, d'après ce que disent les statistiques, là où il y a une concentration de pauvreté, c'est dans les familles monoparentales. Et donc, c'est pour ça qu'à titre personnel, la piste des allocations familiales me semble être une piste intéressante. À côté de ça, il y aurait à faire des choses en matière d'indexation. On a déjà évoqué l'indexation des prestations sociales. On pourrait aussi imaginer que l'indexation des salaires, au lieu de dire tout le monde est augmenté de 2%, dire tout le monde est augmenté de, je ne sais pas moi, 60 euros. Ce serait différent. 2% quand vous gagnez 5000 euros ou 2% quand vous gagnez 1500 euros, ce n'est pas le même montant. Si on donnait la même chose à tout le monde, ce serait différent. Je crois même, quitte à surprendre, que taxer davantage l'énergie pourrait être une solution. On a souvent entendu dire que taxer l'énergie, c'était une politique qui allait davantage pénaliser les pauvres, puisque proportionnellement, les pauvres consacrent pas mal d'argent à l'énergie. Oui, mais on n'a pas vu ce qu'on allait pouvoir faire avec l'argent collecté au travers d'une taxe sur l'énergie. Et donc, je pense que ce serait une politique éminemment sociale de taxer la pollution de tout le monde, du riche comme du pauvre, et d'utiliser cet argent pour des politiques sociales. De telle sorte que le pauvre y gagnerait. Parce que même si le riche a un bâtiment qui est mieux isolé que le pauvre, vous savez, le riche en euros dépense plus pour se chauffer que le pauvre. Même si vous habitez dans un endroit très mal isolé, votre facture de chauffage est une fraction de la facture du chauffage du châtelain, pour donner un exemple. Monsieur Duhano, mais c'est en proportion du salaire. Mais ici, c'est par rapport à... Si l'énergie coûte plus cher, comme le riche châtelain va dépenser plus en chauffage que le pauvre dans son deux pièces, il va payer proportionnellement plus. Le riche va mettre plus d'argent. Et donc, grâce à ça, donc le riche va peut-être mettre 150 en plus et le pauvre va mettre 50 en plus. Je vais collecter 200. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais avec ces 200 ? Une manière très très simple, on pourrait même fermer, mais une manière très très simple, c'est les 200, je les redistribue à la population, 100 pour l'un, 100 pour l'autre. Au total, le châtelain aura dépensé 150 en plus pour se chauffer, mais aura reçu un chèque de 100, il aura perdu 50. Le pauvre, il aura dépensé 50 en plus pour se chauffer, mais aura reçu un chèque de 100, il y aura gagné 50. Donc ça, pour moi, c'est fondamental, parce que c'est une politique qui va ramener et concilier l'énergie et la lutte contre les inégalités. Est-ce que ça a répondu, Christine ? Est-ce que ça répond? Oui, avançons. Oui, parce qu'il y a des pistes, oui. Vu qu'on peut supposer ou affirmer que la question du plein emploi est un mythe, notamment à cause de la mécanisation et de l'informatisation, et que tout le monde n'a pas une capacité de travail, trouvez-vous normal qu'on maintienne le lien entre revenus et emploi sous menace, si ce lien n'existe plus, d'exclusion des gens de leurs droits? Donc c'est le problème de la sécurité sociale. On a entendu dire à la radio qu'il faut absolument diminuer le chômage. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Et que fait donc des chômeurs et des chômeuses existantes? De nouveau, une série de belles questions qui demanderaient de longs développements. Premier élément, on parle beaucoup de l'incidence de la technologie sur l'évolution du monde du travail et la possibilité que bon nombre de travailleurs se retrouvent exclus du marché du travail. Je vais dire que je ne pense pas que ce soit un problème prioritaire pour les pauvres, mais comprenez-moi bien. Je pense que ce que la technologie demain va pouvoir faire et qu'elle ne pouvait pas faire hier, c'est quoi? C'est remplacer le médecin. C'est remplacer le jeune avocat. C'est eux qui ont une valeur ajoutée qui demain va être en concurrence avec la machine. La machine fera un aussi bon diagnostic que le médecin. L'avocat électronique fera une recherche sur les cas antérieurs, sur la jurisprudence, au moins aussi bonne que le jeune avocat. Vous savez, le gars qui a un travail plus simple a déjà été davantage mis en concurrence avec la machine ou avec des travailleurs des pays pauvres. Donc je pense que ceux qui sont, entre guillemets, plus à risque de mutation de leur emploi, ce ne sont pas ceux auxquels on pense comme étant les personnes les plus à plus faible qualification. En fait, ce que l'on observe, c'est d'ailleurs cela, c'est que le nombre d'emplois à très faible qualification n'a pas tendance à baisser. Ce que l'on voit apparaître dans des pays comme les États-Unis, c'est la réémergence d'une classe de, entre guillemets, domestique. Je ne dis pas que je le souhaite, hein. Comprenez-moi bien, je vois certains qui poussent qui froncent. Oui, mais ce que je dis n'est pas ce que je pense. Il y a une différence entre ma description du monde, mon analyse du monde, et ce que moi, Étienne, je souhaiterais voir advenir. Hein. Donc, quand je dis ça, je ne vais pas me féliciter d'un retour à l'époque des serfs, hein, ou de l'esclavagisme, ou de que sais-je. Mais on voit de plus en plus de gens qui sont en situation financière de se payer un jeune ou une jeune qui va chercher les enfants à l'école, qui va travailler 20 heures par semaine à préparer les repas parce que monsieur et madame travaillent dur, et ben, très certainement, ils rentrent tard, très certainement, et ben, mais ils ont assez de sous pour se payer quelqu'un qui va leur faire à manger, ou bien à la maison, ou bien avec une application, on achète un repas pré-cuisiné par le voisin de palier et on paye et ce genre de choses. Donc l'emploi va muter, mais dire que c'est l'emploi des moins qualifiés qui va disparaître, je n'en suis pas convaincu. Mais voilà, donc ça c'est une première observation. Je ne crois pas que l'emploi va disparaître. Je crois que l'emploi va continuer à évoluer, mais je ne pense pas qu'il va disparaître. Dire à celui qui n'est pas, qui ne trouve pas d'emploi, parce que vous avez évoqué, il n'est pas en situation physique ou mentale ou psychique de travailler et l'exclure du chômage, c'est évidemment un non-sens. Le sens de l'exclusion du chômage ne peut s'entendre que si c'était le coup de pied au derrière pour activer le paresseux, pour faire simple. Voilà. Je ne vais pas vous paraître très agréable. Des études, qui valent ce qu'elles valent, ont montré que dans la population, il y avait effectivement un certain pourcentage, pas 100%, un certain pourcentage que je ne connais plus, de personnes qui activaient leur recherche d'emploi quand elles arrivaient en fin de droit. Nier cela ne me semble pas très sage. Mais pas plus que ce ne serait sage de dire que 100% des gens sont des paresseux et ce n'est que s'ils ont un vrai coup de pied au derrière qu'ils vont se mettre à s'activer. La réalité est entre les deux, bien entendu. Et donc, il faut comprendre la logique de ceux qui disent « il faut activer l'allocation de chômage, il faut pousser les gens à se... » Moi, je vais, une fois encore, vous surprendre, ou peut-être pas, mais je pense que, oui, il faut se préoccuper de l'activation des personnes. Je crois que la société dans laquelle je ne voudrais pas vivre, c'est la société dans laquelle on dirait « du pain et des jeux ». voici votre allocation. Elle n'est pas médiocre, mais elle n'est pas généreuse. Vous ne mourrez pas de faim, mais ce ne sera pas le grand luxe. Voilà votre allocation. Et surtout, viens pas m'emmerder. Regarde la télé autant que tu veux, joue à tes jeux vidéo comme t'en as envie, mais viens pas m'emmerder. Ça, c'est pas la société dont moi je rêve. Je pense qu'à partir du moment où l'activité professionnelle ou une autre forme d'activité non rémunérée, bénévolat, etc., à partir du moment où cette activité est et reste un vecteur important dans notre société, un vecteur de socialisation, je pense que la société doit pousser les gens à aller dans ce sens-là. Et donc, inciter les gens à s'activer. Mais je redis, ça peut être s'activer dans le travail comme ça peut l'être dans le bénévolat. Mais je pense qu'il ne faudrait pas une politique dans laquelle on dirait « vous êtes indemnisé décemment, point barre ». Ce n'est pas le monde dans lequel je veux. Je pense que les pouvoirs publics, que la collectivité qui est représentée par les pouvoirs publics, que cette collectivité se doit de se préoccuper du lien social et de l'insertion sociale, y compris de ces personnes-là, bien entendu. Voilà pourquoi je suis partisan d'une certaine revalorisation des prestations sociales, mais à condition que ce ne soit pas en créant une classe de gens dont on dirait, en latin, on disait « panem et circenses », du pain et des jeux, vous allez, voilà, je vous indemnise, mais restez dans votre coin, ce serait aller dans une voie de la dualisation qui n'est pas celle que je souhaite. C'était pourtant avant la forme de protection sociale. Et on n'a pas eu un écroulement de l'économie. L'activation des chômeurs, c'est tout nouveau. Il y a 10-15 ans, l'activation des chômeurs n'existait pas. L'économie ne s'écroulait pas. C'est vraiment deux visions de l'être humain. Moi, je crois que l'être humain peut, de toute façon, travaillera par motivation et aussi par le gain d'argent. Et je ne crois pas qu'il y a besoin de lui donner un coup de pied au derrière. Vous voyez, là, c'est vraiment deux visions. Quoi. Et alors, Et si les gens travaillent, à partir de quel revenu vous trouvez normal d'accepter un travail ou de le refuser? Parce que parfois, pour certains travaux, quand on les accepte, on vit plus pauvre qu'avant. Tout à fait. Cette situation est connue sous le mot de piège à l'emploi. C'est une situation qui est connue, c'est une situation qui est évidemment détestable et il faut absolument changer les mécanismes qui amènent à ce que ça puisse être une réalité. Enfermer les gens dans une allocation sociale ne peut pas être un choix et pénaliser financièrement celui qui travaille ne peut pas être une option non plus. Donc il faut absolument que le travail soit mieux rémunéré que le non-travail. Ce n'est pas pour stigmatiser le non-travail. Je redis que le non-travail, ça peut être un travail qui ne porte pas le nom de travail, mais qui a une utilité sociétale certaine. Donc, je ne suis pas du tout à dire qu'il y a le travail et puis rien d'autre. Mais je pense que oui, l'économie demande que le travail rémunéré soit mieux rémunéré que l'allocation auquel se substitue le travail. Et donc, il faut faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Il existe des mécanismes en Belgique qui ont l'ambition de répondre à ce problème, il est possible que ces mécanismes ne soient pas parfaits. Et si c'est le cas, il faut les revoir et intensifier les écarts pour s'assurer que la personne qui accepte de travailler, chez Match 24 heures semaine, vive au moins aussi bien que si elle n'avait pas ce boulot. Or, aujourd'hui, c'est le salaire par rapport à l'allocation sociale, mais c'est aussi un certain nombre de prestations sociales liées à votre statut de chômeur. C'est les compléments d'allocation familiale pour les personnes sans travail. À titre personnel, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de lier un complément d'allocation familiale à un statut de chômage ou pas de chômage. Je préférerais que ce soit lié à un niveau de revenu qu'à un niveau de statut. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième dimension, j'ai perdu un petit peu le fil de mes idées ici, sur ce qu'il y aurait lieu de faire pour s'assurer que les personnes travaillant travaillent mieux, c'est, à côté des allocations sociales, aussi l'accès au logement social. On le sait qu'une des difficultés, et je retombe sur mes pattes, c'est en fait que vous pourriez ne plus être considéré comme prioritaire pour certaines prestations sociales, à commencer par le logement social, si vous n'êtes pas allocataire social. Et donc ça contribue à ces pièges à l'emploi. Donc il faut regarder le piège à l'emploi, non seulement sur le plan le montant du salaire par rapport au montant de l'allocation, mais il faut le mettre dans un contexte plus large en tenant compte de l'ensemble des prestations sociales dont bénéficient les uns et les autres. Je voulais juste, et ce sera un tout petit complément de question, mais une vérification en regardant Marie-Claude en même temps, parce que je pense que les allocations familiales, dans la nouvelle législation wallonne en tout cas, les compléments sociaux, même pour bas revenus, ne sont plus liés au statut aujourd'hui. Ça, c'est une légère... En 2020. Oui, ah oui, oui, pour donc ceux qui, pour ceux, oui, oui, bien sûr, pour ceux qui sont à naître, oui. À partir de 2020. Enfin, disons que c'est une légère évolution positive, même si le réseau wallon a une position très claire par rapport aux allocations familiales. Il regrette vraiment qu'elle n'ait pas été l'outil d'une réduction sérieuse de la pauvreté dans les ménages. On pouvait choisir de les traiter autrement qu'elles ne l'ont été, tout comme on pourrait choisir de revaloriser l'enveloppe, effectivement, encore. Mais voilà, c'était pour faire... On pourrait les fiscaliser. Et on pourrait, oui, par exemple. Mais donc, voilà, je voulais juste dire ça pour dire qu'il y a eu un combat pour que les allocations soient revues en fonction des revenus et que c'est d'ailleurs un souhait pour beaucoup d'aides sociales dans le chef du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, parce qu'en fonction des statuts, ça met forcément les gens en concurrence, alors que l'aide doit être apportée pour d'autres raisons que pour le statut dans lequel on est. Voilà, et donc c'est Audrey qui continue.